بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, dans ce cours, nous allons traduire une conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, qui s'intitule Manhaj al-Salaf wa Hajat al-Ummati ilayh, la voie des pieux prédécesseurs et le fait que la communauté en a besoin. Enfin, le Cheikh, il dit, et je vais, afin que de raccourcir le cours, je vais sauter quelques passages, même si nous allons voir donc la plus grande partie donc de cette conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Donc le Cheikh, il dit Alhamd, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah accorde éloge et salut à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille et tous ses compagnons. Amma ba'd, fal mawdou'u mawdou'un muhimmun jidda, wa huwa kama sami'tum wa u'lina anhu manhaj as-salaf as-salih wa hajat al-ummati ilayh. Donc il dit, le sujet est un sujet très important, et ce sujet, comme vous avez entendu et comme ceci a été annoncé, s'intitule « La voie des pieux prédécesseurs » et le fait que la communauté en a besoin. Puis le Cheikh, il dit « Wal muradu bis salafis salih al-qarnu al-awwal min hadhihi al-umma wa hum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-muhajirin wal-ansar » Et ce qui est voulu et ce qui est désigné par les pieux prédécesseurs, c'est la première génération de cette communauté, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les muhajirin et les ansar, les muhajirin, ceux qui ont émigré vers Médine, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, et les ansar, les habitants de Médine qui les ont accueillis. قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, les tout premiers parmi les muhajirin et les ansar, et tous ceux qui les suivent convenablement, Allah les agrée et il l'agrée. Il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Voilà certes l'énorme réussite. Et ici donc un petit commentaire sur ce verset que le Cheikh a cité pour désigner donc, pour nous montrer l'importance de suivre les pieux prédécesseurs et à leur tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh a cité ce verset de la sourate At-Tawba, sourate le repentir, verset 100, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges des muhajirin, il fait les éloges des ansar, et il dit qu'il les a agréés, qu'il les a agréés, qu'il est satisfait d'eux, et que eux également l'ont agréé, yani ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala comme seul Seigneur et seul Dieu et seule divinité digne d'être adorée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés et eux, ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il dit qu'il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceci est une bonne annonce. Ceci est une bonne annonce pour les compagnons radiallahu anhum. Pour les compagnons radiallahu anhum et tous ceux qui les suivent. Et tous ceux qui les suivront convenablement, c'est une bonne annonce que ces gens-là iront au paradis. Donc, comme certains savants disent par rapport à ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité trois catégories de personnes. Il a cité tout d'abord les muhajirin. Il a cité tout d'abord les muhajirin, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Puis il a cité les ansar, les habitants de Médine, les croyants de Médine qui ont accueilli les muhajirin. Et il a cité la troisième catégorie de personnes qui sont ceux qui ont suivi les muhajirin et les ansar bi-ihsan, convenablement, qui les ont suivis convenablement. Donc si une personne veut obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il veut obtenir l'entrée au paradis, il se doit, vu qu'il ne fait pas partie des muhajirin ni des ansar, le seul moyen après les muhajirin et les ansar, le seul moyen pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'entrée au paradis, c'est de faire partie de la troisième catégorie, qui sont ceux qui ont suivi les muhajirin et les ansar convenablement. Et le shir va expliquer ce qui est voulu par convenablement. Puis ensuite le shir il continue et il cite d'autres versets. Il dit قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه في المهاجرين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction rapprochée du sens du verset, il dit aux pauvres muhajirin qui ont été sortis de leur maison et de leurs biens et qui recherchent la grâce d'Allah ainsi que sa satisfaction et qui secourent Allah et son messager, ceux-là sont les véridiques. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des muhajirin. Ça c'est dans la sourate Al-Hashr, la sourate l'Exode, la sourate numéro 59, au verset 9 et au verset 8 et les versets qui viennent après. Donc dans ce premier verset, le verset 8 de la sourate 59, Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges des muhajirin. Il dit que ces muhajirin, ils ont été sortis de leur maison et de leurs biens, et qu'ils sont partis et qu'ils ont émigré à la recherche de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa satisfaction. La chose qui les a motivés à quitter la terre de mécréance, c'est qu'ils ont recherché la grâce d'Allah et sa satisfaction. Ils ont émigré pour obtenir la grâce d'Allah et sa satisfaction. Et également Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il cite parmi les caractéristiques et les qualités des muhajirin qu'ils secourent Allah et son messager. Ils ont émigré pour secourir la religion d'Allah et pour secourir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas émigré pour quelques profits mondains, mais au contraire ils ont sacrifié tout ce qu'ils avaient pour secourir la religion d'Allah et pour secourir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala termine ce verset en disant ceux-là sont les véridiques, pour montrer que les muhajirin, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, étaient véridiques dans leur foi. Et on trouve aujourd'hui Rafida, Shi'a, hein, les chiites rafidites, qui disent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont apostasié après la mort du prophète. Qabbahahumullah, qu'Allah les enlaidisse et qu'Allah les avilisse. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset qu'on a cité et également dans ce verset que nous sommes en train de commenter, Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges des compagnons radiallahu anhum. Et dans le premier verset, il nous a dit qu'il a été satisfait d'eux et qu'il leur a préparé des jardins, qu'il leur a préparé des jardins dans le paradis. ثم يقول الشيخ ensuite le cheikh il dit ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Donc le cheikh il dit, puis ensuite dans le verset suivant, le verset numéro 9 de la même sourate Al-Hashr, sourate l'Exode, Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce qui concerne les Ansar et ceux qui ont habité dans la demeure de la foi avant eux, Al-Madina, ils aiment ceux qui ont émigré vers eux, ils aiment les Muhajirin, les Ansar ont aimé les Muhajirin pour Allah car ils étaient croyants. Donc les Ansar, ils aiment ceux qui ont émigré vers eux et ils ne trouvent dans leur poitrine aucune gêne dans ceux qu'ils donnent, et ils font passer donc leurs frères sur eux-mêmes même s'ils sont dans le besoin, et quiconque est préservé de sa propre avarice, Allah termine ce verset en disant, et quiconque est préservé de sa propre avarice, alors ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges des Ansar qui ont accueilli les Muhajirin et qui ont tout donné et qui ont tout partagé avec ces Muhajirin. Et la chose qui les a réunis, c'est la foi en Allah et en son messager et en la religion de l'islam. ثم قال في الذين يأتون من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Puis ensuite, dans le verset suivant, le verset numéro 10 de la même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui sont venus après eux, après les Muhajirin et les Ansar. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction rapprochée du sens du verset, en ce qui concerne cette troisième catégorie de personnes, et ceux qui sont venus après eux, ils disent, oh notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune haine envers les croyants. Oh notre Seigneur, tu es certes le compatissant et le très miséricordieux. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ceux qui viennent après les muhajirin et les ansar. À quelle condition? À la condition que ces gens qui sont venus après les muhajirin et les ansar, ils aiment les ansar, ils n'ont aucune haine dans leur cœur pour les muhajirin et les ansar. Ils aiment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils implorent le pardon d'Allah pour eux-mêmes et pour ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire les compagnons radiallahu anhum. Donc dans ces trois versets, Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges tout d'abord des muhajirin, puis ensuite les éloges des ansar, puis ensuite il nous donne les caractéristiques de ceux qui sont sur le même chemin que les muhajirin et les ansar. Ils aiment les muhajirin et les ansar et ils implorent, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Puis Cheikh Al-Fawzan il continue, il dit: ثم من جاء بعدهم وتتلمذ عليهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. Puis ceux qui sont venus après, ceux qui sont venus après, après les muhajirin et les ansar, après les compagnons radiallahu anhum, ceux qui sont venus après les compagnons radiallahu anhum, et qui ont appris des compagnons, et qui ont appris des compagnons parmi les tabi'in, puis également ensuite atba' tabi'in, la troisième génération, qui ont appris de ceux qui les ont précédés, les tabi'in. Et ainsi de suite, parmi les générations privilégiées, parmi les générations privilégiées, desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs d'entre vous sont ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Et le rapporteur du hadith, il dit, je ne sais plus, est-ce qu'il a cité après sa génération deux ou trois générations. وعصرهم يسمى ويمتاز على من بعدهم ويمتاز على من بعدهم يسمى عصر القرون المفضلة. هؤلاء هم سلف هذه الأمة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc cette époque, ces trois époques, les trois premières époques, les trois premières générations de l'islam, les compagnons, la sahaba, puis at-tabi'un, ceux qui les ont suivis, puis at-ba'u tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'in. Ces trois générations, ils ont un privilège, ils sont meilleurs que ceux qui sont venus après eux. Ils sont meilleurs que ceux qui sont venus après eux. Et leur époque, on l'appelle en arabe عصر القرون المفضلة, القرون المفضلة, c'est-à-dire l'époque des générations privilégiées. Et le shir va expliquer d'ici peu pourquoi elles ont été privilégiées et par quoi elles ont été privilégiées par rapport à ceux qui sont venus après elles. Donc ces trois générations qui sont les générations privilégiées, ce sont eux les prédécesseurs de cette communauté, ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges dans le hadith que nous avons cité précédemment. فهم القدوة لهذه الأمة ومنهجهم هو الطريق الذي يسيرون عليه في عقيدتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي جميع شؤونهم وهو المنهج المأخوذ من الكتاب والسنة لقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم لقربهم من عصر التنزيل وأخذهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم خير القرون ومنهجهم خير المناهج أو خير المنهاج. Donc ensuite Cheikh Al-Fawzan il dit, donc ces trois générations, ce sont des exemples et des modèles pour cette communauté, pour la communauté musulmane. Et la voie de ces trois premières générations, la voie des pieux prédécesseurs, c'est le chemin sur lequel ils cheminaient, que ce soit dans la croyance, dans le dogme, que ce soit dans les relations familiales ou dans les transactions commerciales. Et également le chemin sur lequel ils cheminaient dans leur comportement et dans toutes les choses et dans toutes choses. Et cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, elle est tirée du Coran et de la Sunna. Elle est tirée du Coran et de la Sunna. Ce qu'il veut dire le shir, c'est que les pieux prédécesseurs, ils n'ont pas amené de choses d'eux-mêmes. Ils n'ont pas innové dans la religion. Ils n'ont pas innové dans la religion. Les compagnons radiallahu anhum n'ont pas innové dans la religion, Mais ils ont pris la religion directement du Coran et de la Sunna. Car c'étaient les générations les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ici l'allusion de Cheikh Al-Fawzan. En quoi donc ces trois générations étaient privilégiées par rapport à ceux qui sont venus après? Elles ont été privilégiées car elles étaient les plus proches de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons radiallahu anhum à leur tête qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis at-tabi'un, il y a entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la génération des compagnons. Donc ils ont pris de ceux qui ont pris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite la troisième génération, atba'u tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'in et qui ont pris donc la science des tabi'in. Ils ont pris la science des tabi'in. Il y a entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam deux générations. Et plus la chaîne de transmission est courte, et plus moins il y a de risques qu'il y ait une erreur de compréhension. Et plus on s'éloigne de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus il y a de risques que la personne s'égare. Donc c'est en cela que ces trois générations ont été privilégiées. Puis le cheikh il explique et il dit, ils étaient proches de l'époque de la révélation. Les compagnons radiallahu anhum, ils ont vu la révélation descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ne comprenaient pas un verset, ils revenaient directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur expliquait, qui leur donnait la bonne compréhension du verset. D'où la raison pour laquelle le manhaj salafi, c'est de prendre la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, sans intermédiaire. Et de là, leur compréhension de la religion est meilleure que la nôtre. Donc ils ont pris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit le shir. Et donc ils sont les meilleurs des générations. Et leur voix est la meilleure des voix. وَلِذَلِكَ يَحْرِسُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَعْرِفَةِ مَنْهَجِهِمْ لِيَأْخُذُوا بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ السَّيْرُ عَلَى مَنْهَجِهِمْ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ وَتَعَلُّمِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ. Et donc c'est pourquoi les musulmans se doivent de s'efforcer à connaître la voix des compagnons radiallahu anhum. Les musulmans se doivent de s'efforcer à connaître la voix des compagnons radiallahu anhum afin de l'apprendre et de la suivre. Et ceci car il n'est pas possible de cheminer sur la voie des compagnons radiallahu anhum si ce n'est après avoir appris quelle était la voie des compagnons radiallahu anhum. Tu dois donc d'abord connaître la voie des compagnons radiallahu anhum pour pouvoir la suivre. Tu ne peux pas suivre quelque chose que tu ne connais pas. Et pour connaître cette chose, tu dois l'apprendre. Puis ensuite, tu vas le mettre en application. ولهذا قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان لا يمكن اتباعهم بإحسان إلا بتعلم مذهبهم ومنهجهم وما يسيرون عليه. Donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le premier verset que nous avons cité, il dit les tout premiers parmi les muhajirines et les ansar, et ceux qui les suivent convenablement, c'est-à-dire parfaitement. Et Cheikh il nous dit, et tu ne peux les suivre convenablement, tu ne peux les suivre parfaitement que si tu apprends quelle était leur voie, quelle était la voie qu'ils suivaient, et le chemin sur lequel ils étaient. وأما مجرد الانتساب إلى السلف والسلفية من غير معرفة بها وبمنهجها فهذا لا يدري شيئا بل قد يضر. لا بد من معرفة منهج السلف الصالح. Puis le cheikh il dit, quant au fait de simplement s'affilier au salaf et à la salafia sans la connaître, sans connaître la salafia et sans connaître la voie des pieux prédécesseurs, juste le fait de s'y affilier par le nom, par l'appellation, celui qui fait cela il ne connaît rien. Et ceci peut même être nuisible. Donc il faut nécessairement connaître la voie des pieux prédécesseurs. Et le cheikh il va rajouter d'autres explications par rapport à cela. Qu'il ne suffit pas de se dire salafi pour l'être réellement. Ce n'est pas toute personne qui dit je suis salafi qui l'est forcément. Mais la personne se doit d'apprendre quelle était la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était la voie des salafs. Puis une fois qu'il a su quelle était la voie des salafs, là à ce moment-là, il le met en application. Et il ne faut pas comprendre de la parole du cheikh ici que le cheikh dit que tu ne dois pas t'appeler salafi. Hein? Le cheikh ici, il dit que il ne suffit pas simplement de le dire par la langue, hein, de se faire appeler salafi pour l'être réellement. Mais ça ne veut pas dire, comme certains essayent de répandre certaines ambiguïtés par rapport à cela, ils disent, tu ne dois pas te dire salafi. Pourquoi ? Parce que si tu te dis salafi, tu te fais tes propres éloges. Et ceci, les grands savants auxquels a été exposée cette ambiguïté, comme notamment Cheikh Ibn Baz rahimahullah, et d'autres, Cheikh Al-Albani rahimahullah, et d'autres, Cheikh Al-Fawzan, et beaucoup d'autres, tous ils ont dit que il est obligatoire de s'affilier au salaf. Mais quand tu t'affilies au salaf, tu t'affilies à eux par l'appellation, en disant je suis salafi, mais également par les actes. Tes actes doivent quoi ? Doivent confirmer ce que tu prétends, en disant je suis sur la voie des salafs, je suis salafi. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme vous pouvez le trouver dans Majmou' al-Fatawa, il dit la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, comme vous pouvez le voir et le trouver dans son livre Majmou' al-Fatawa dans le volume 4, si je ne me trompe pas, la page 159, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit nul reproche à celui qui montre clairement la voie des salafs et qui s'y affilie et qui s'y apparente, mais il est obligatoire d'accepter cela de lui à l'unanimité. À l'unanimité des savants de la sunna, il est obligatoire d'accepter celui qui montre clairement la voie des salafs et qui s'y affilie et qui s'y apparente. Donc nul reproche, il dit Cheikh al-Islam, nul reproche à celui qui montre clairement la voie des salafs et qui s'y affilie et s'y apparente, mais il est obligatoire d'accepter cela de lui à l'unanimité, car certes la voie des salafs n'est rien d'autre que la vérité. طيب. Ensuite, il dit Cheikh Al-Fawzan, ولهذا كانت هذه الأمة تتدارس منهج السلف الصالح ويتناقلونه جيلا بعد جيل. فكان يدرس في المساجد ويدرس في المدارس وفي المعاهد والكليات والجامعات. Il dit donc, et c'est pour cela, après avoir dit donc qu'il est obligatoire et qu'il est nécessaire de connaître la voie des pieux prédécesseurs, il dit, c'est pour cela que cette communauté, la communauté musulmane, n'a cessé d'étudier la voie des salafs et de se la transmettre, génération après génération. La voie des salafs s'enseignait dans les mosquées, et elle s'enseignait dans les écoles, et dans les instituts, et dans les facultés, et dans les universités. Et ici, le cheikh il a appuyé sur un point important lorsqu'il nous dit que tu dois connaître la voie des salafs. Mais comment tu la connais ? Est-ce que tu la connais par un tel ou un tel ? La voie des salafs, elle a été recensée. Naam, yani douina. Ça a été recensé dans des livres. Les livres de tafsir, comme tafsir al-Tabari, qui te rapportent les paroles des compagnons radiallahu anhum et des tabi'in et de atba' al-tabi'in dans l'explication des versets. Et les livres de hadith également, comme Musnad al-Imam Ahmed, wa Sahih al-Bukhari, wa Sahih Muslim, et les quatre sunan, sunan Abi Daoud, sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i, sunan Ibn Majah, et Muwatta l'imam Malik, etc., qui te rapportaient les paroles. Dans ces livres de hadith, tu retrouves les paroles des compagnons radiallahu anhum et des tabi'in, ou atba' al-tabi'in. Et également les livres de aqida, les livres du dogme, les livres du dogme authentique, comme le livre Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri, comme le livre Al-Ibana, Al-Sughra wal-Kubra d'Ibn Battah, comme le livre Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah lil-Lalakai de l'Lalakai, et bien d'autres livres qui te rapportent les paroles des compagnons et des tabi'in et de Atba' al-Tabi'in avec les chaînes de transmission, et ainsi de suite. Dans tout cela, tu trouves la voie des salafs qui est clairement exposée. Et donc pour connaître la voie des salafs, tu dois donc revenir à ces livres-là. Et c'est pour cela que le cheikh il dit ici que la communauté musulmane n'a cessé de transmettre la voie des salafs de génération en génération. La génération précédente l'enseignait à la génération suivante, et ainsi de suite jusqu'à notre époque. فيقول الشيخ ensuite, il dit le cheikh ensuite, فهذا هو منهج السلف الصالح وهذه الطريقة لمعرفتهم أننا نتعلم منهج السلف الصالح الصافي مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est cela la voie des pieux prédécesseurs, et c'est cela le chemin pour connaître la voie des pieux prédécesseurs, en l'étudiant auprès des savants de confiance qui l'ont pris, des savants de confiance qui les ont précédés, qui eux-mêmes l'avaient pris, des savants de confiance qui les ont précédés, et ainsi de suite jusqu'à remonter à Atba' al-Tabi'in, qui eux l'ont pris des Tabi'in, qui eux, les Tabi'un, l'ont pris des Sahaba radiallahu anhum, qui eux, les Sahaba radiallahu anhum, l'ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, le prophète, l'a pris de Jibril alayhi salam, qui lui, Jibril alayhi salam, l'a pris d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que une des plus grandes différences, si ce n'est la plus grande différence entre la voix des salafs et les voix des sectes égarées, c'est que la voix des salafs, celui qui l'a fondé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a fondé, le fondateur du salafisme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ce n'est ni Cheikh Ibn Baz, ni Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ni Cheikh Rabi'. Ce n'est ni Cheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Ce n'est ni Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ce n'est ni l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Ou bien l'imam Shafi'i, ou bien l'imam Malik. Ce n'est ni Abu Bakr Omar. Mais la voix des salafs, celui qui l'a fondée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fondé la voix des salafs? Naam. Naam, parce que c'est l'islam authentique. Et comme le Cheikh il a dit, naam, que nous apprenions donc la voix des salafs, la voix des pieux prédécesseurs purs, qui est tirée du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La voix des salafs, sa source, la source, les sources de référence de la voix des salafs, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont la révélation d'Allah. Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a. Certes, il m'a été donné le Coran et son équivalent avec. C'est-à-dire la sunna. Donc, c'est pour cela que la voix des salafs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fondé. Le salafisme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fondé, car la voix des salafs n'est rien d'autre que l'islam originel tel qu'il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Tandis que tous les autres groupes, toutes les voix égarées, ils ont tous été fondés par un homme qui est venu après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on parle aujourd'hui, à notre époque, des grandes sectes qui sont connues comme Al-Ikhwan, les frères musulmans, Ikhwan al-Muslimin, Al-Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans, que Cheikh Mohammed ibn Hadi hafizahullah appelle Khouwan al-Muslimin. Khouwan al-Muslimin, laissez Ikhwan al-Muslimin, bel hum Khouwan al-Muslimin. Khouwan al-Muslimin, c'est-à-dire ceux qui ont trahi les musulmans. Ceux qui ont trahi les musulmans. Donc, cette secte, Khouwan al-Muslimin, ceux qui ont trahi les musulmans, qui se font appeler faussement les frères musulmans, donc ces gens-là, ils ont été fondés par Hassan al-Banna au début du XXe siècle. XXe siècle chez les non-musulmans. Et si on parle de Jama'at Tablir, le groupe des Tablir, ils ont été fondés par Mohamed Ilyes. Par Mohamed Ilyes, également, dans le premier quart du XXe siècle. Et si tu prends le menhej des takfiri actuels de notre époque, c'est ils ont suivi la voie de Saïd Qutb, qui est venu après Hassan al-Banna, et qui a développé le menhej des Khouwan al-Muslimin. Et ainsi de suite, toutes les sectes qui existent, elles ont un fondateur parmi les hommes qui est venu un homme qui est venu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a fondé un groupe et qui par là donc a divisé la communauté, alors que la voie, le manhaj salafi, le salafisme, il a été fondé par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh il dit أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكثر الاختلاف في هذه الأمة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا منهج السلف الصالح ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. Donc ensuite le cheikh il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la divergence allait augmenter dans cette communauté lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer sauf un seul. Ils lui ont dit, quel est-il, ô messager d'Allah? Il a répondu, celui qui est sur la même voie que moi et mes compagnons à ce jour. Donc c'est cela la voie des pieux prédécesseurs, la voie des salafs. C'est ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi étaient ses compagnons radiallahu anhum. Puis on avance un petit peu et le cheikh il dit en ce qui concerne donc ce groupe sauvé, هي التي إذا اختلف الناس وكثرت المذاهب وكثرت الطرق وكثرت الطرائق والفرق والأحزاب هي التي تكون على منهج السلف الصالح تتمسك به وتصبر عليه حتى تلقى ربها سبحانه وتعالى. Ce groupe sauvé, c'est le groupe que lorsque les gens vont diverger, lorsque on va se retrouver avec plusieurs méthodologies et idéologies, plusieurs chemins, plusieurs sectes, plusieurs partis, le groupe sauvé, lui, il reste sur la voie des pieux prédécesseurs, il s'y accroche et il endure. Et il endure toutes les épreuves jusqu'à rencontrer son Seigneur. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه في آخر حياته موعظة بليغة أثرت فيهم بكت منها العيون قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لولاة أمور المسلمين. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن تسير على منهج السلف الصالح لأنه طريق النجاة. Le cheikh donc il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exhorté ses compagnons vers la fin de sa vie, il a exhorté ses compagnons en leur faisant une exhortation qui a eu beaucoup d'impact, qui les a fait pleurer, jusqu'à ce qu'ils ont dit, ô messager d'Allah, ceci ressemble à l'exhortation de celui qui fait ses adieux. Alors, fais-nous des recommandations. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je vous recommande la crainte d'Allah et d'écouter et d'obéir. Cheikh Al-Fawzan ici, il intervient au milieu du hadith et il dit d'écouter et d'obéir à qui ? Au gouverneur musulman. Au gouverneur musulman, au pluriel. Donc, et d'écouter et d'obéir, même si c'est un esclave qui vient à vous gouverner. Et certes, celui qui vivra parmi vous, et certes, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors, accrochez-vous à ma sunna, et ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés, après moi. Tenez-vous-y fermement, et mordez-y à pleines dents, et méfiez-vous des nouveautés, et méfiez-vous des nouveautés en religion, car toute nouveauté en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement amène en enfer. Telle a été la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté, qu'elle chemine sur la voie des pieux prédécesseurs, car c'est le chemin du salut. Car c'est le chemin du salut. Et un point que j'ai oublié de citer lorsque j'ai lu le hadith précédent et le hadith sur lequel nous sommes, c'est que dans ces deux hadiths, si vous remarquez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le premier hadith, le hadith de la division de la communauté, quand ils lui ont demandé quel est ce groupe qui sera préservé de l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi et mes compagnons à ce jour. Ceux qui sont sur le même chemin que moi et mes compagnons à ce jour. Et dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, accrochez-vous à ma sunna. Il dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Et comme si quelqu'un avait posé la question, alors que devrons-nous faire lorsqu'il y aura toutes ces divergences ? Alors accrochez-vous à ma sunna, ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés. Ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés après moi. Donc dans ces deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de dire, le groupe sauvé ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi, accrochez-vous à ma sunna. Mais il a dit, le groupe sauvé ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi et mes compagnons. Il a rajouté, et mes compagnons. Et dans le deuxième hadith, il a dit, accrochez-vous à ma sunna, ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ses compagnons avec lui? Et pourquoi il a cité les califes bien guidés, la sunna des califes bien guidés avec sa sunna? Est-ce que celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être sauvé? Est-ce que celui qui s'accroche à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être sauvé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté en citant ses compagnons et en citant la sunna des califes bien guidés après lui, car Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'il allait y avoir des gens qui allait prétendre suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et interpréter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur sauce, selon leur passion, pour légitimer leurs actes. C'est pour cela qu'il nous a donné cet indice supplémentaire qui est la voie des compagnons et la sunna des califes bien guidés. Car les compagnons, radiyallahu anhum, comme on a cité précédemment, ce sont eux qui ont le mieux compris la religion, car ils ont été éduqués directement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont eu le meilleur des éducateurs et le meilleur des enseignants, et leur compréhension, c'est la compréhension authentique des textes, c'est la compréhension correcte des textes. Comment savoir si nous divergeons, toi et moi, si nous divergeons sur la compréhension d'un verset ou d'un hadith, comment savoir qui d'entre nous a raison? On va revenir à la compréhension de ceux qui ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela qui va trancher la divergence. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté là-dessus. Et également parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des directives générales dans certaines choses. Et après sa mort, certaines choses sont apparues qui n'existaient pas à son époque. D'où le fait de revenir à la compréhension des compagnons, radiallahu anhum. Comment les compagnons ont réagi face aux choses qui ont été innovées et qui sont apparues après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de savoir comment nous devons réagir vis-à-vis de ces nouvelles choses qui apparaissent. Est-ce que cette explication est claire, inshallah? Pourquoi, na'am, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, en plus de sa voix, la voix des compagnons, et en plus de sa sunna, la sunna des califs bien guidés, na'am, enfin, comme j'ai dit, la première des choses, parce que des gens vont prétendre suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et interpréter les hadiths comme ils veulent. Mais lorsqu'on va revenir à la manière dont les compagnons ont compris ces textes et comment ils les ont appliqués, on va savoir qui a raison et qui a tort. Et également parce qu'il y a des choses qui ne sont pas apparues à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé des directives générales. Et les compagnons, lorsque ces choses sont apparues à leur époque, ils ont, selon la compréhension qu'ils avaient eue et l'éducation qu'ils avaient reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont donc pris certaines positions et réagi d'une certaine façon face à ces choses qui sont apparues après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci donc nous sert à nous aujourd'hui pour savoir comment réagir et comment se comporter face aux choses nouvelles. Ensuite, le cheikh il dit, on avance un petit peu. وَمَنْ يَتَمَسَّكُ بِهَذَا خُصُوصًا فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَسَيَلْقَ تَعَبًا مِنَ النَّاسِ وَالْمُخَالِفِينَ سَيَلْقَ تَأْنِيبًا وَتَهْدِيدًا فيحتاج إلى صبر سيلقى مغريات للصرف عن هذا الطريق وتهديدات ترغيب وترهيب من الفرق الضالة والمناهج المنحرفة يحتاج إلى صبر. Il dit donc le shir, celui qui s'accroche à cela, qui s'accroche à la voix des salaf, à la voix des pieux prédécesseurs, surtout vers la fin des temps, il va rencontrer beaucoup de difficultés par rapport aux gens et par rapport à ses opposants. Il va recevoir des menaces. Il aura donc besoin d'être endurant. Il va également être exposé à des tentations. On va essayer de le tenter pour le détourner du droit chemin, le détourner de la voie des salafs. On va lui proposer des bonnes choses, des délices et des plaisirs, que ce soit de l'argent, des femmes ou du pouvoir, pour le détourner de la voie des salafs. Et si ça ne marche pas, alors on va le menacer. On va le menacer. Donc le shir, il dit, c'est pour cela que celui qui s'accroche à cette voie, qui suit la voie des pieux prédécesseurs, il doit endurer. Il doit endurer. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a débuté étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Bienheureux sont ces étrangers. Ou on peut également le traduire Touba pour ces étrangers. Touba qui est un arbre dans le paradis. Ils lui ont dit, qui sont ces étrangers, ô messager d'Allah? Il a répondu, ce sont ceux qui restent dans la vertu lorsque les gens se corrompent. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ce sont ceux qui rectifient ce que les gens ont corrompu de la religion, yani. Il dit le shir, فَلَا يَسْلَمُ مِنَ الضَّلَالِ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَسْلَمُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَنْ سَلَكَ هَذَا الطَّرِيقِ مَنْهَجَ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Donc il dit le shir, ne pourra être préservé de l'égarement sur terre et ne pourra être préservé de l'enfer dans l'au-delà que celui qui chemine sur la voie des pieux prédécesseurs, ceux desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie que ceux-là! Voilà certes la grâce immense de la part d'Allah, et certes Allah suffit comme savant. Puis ensuite le shirk, n'am, afin donc de gagner du temps, n'am, je résume cette page dans laquelle shirk, il cite ensuite, hein, il va citer ici, il dit que c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire de réciter surat al-Fatiha dans toutes les unités de prière, dans toutes les raqat de la prière, dans lesquelles tu dis Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladin ad'amta alayhim, hein? Guide-nous au droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, ce sont ceux qui ont été cités dans le verset précédent, hein? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et comme il est venu dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le mont Uhud avec Abu Bakr, Omar et Uthman radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le mont Uhud avec Abu Bakr, Omar et Uthman radiyallahu anhum. Puis le mont Uhud a tremblé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Uskun ya Uhud, tranquillise-toi, ô Uhud. Fa innama alayka nabiyun wa siddiqun wa shahidan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé au mont Uhud et lui a dit, tranquillise-toi, ô Uhud, car certes, il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et deux martyrs. Enfin, dans ce verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, hein, celui quiconque obéit à Allah et au messager, alors ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du prophète et des compagnons radiyallahu anhum. Ce sont les premiers qui rentrent dans ce verset, dans ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Min al-Nabiyyin, parmi les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdalur Rusul, le meilleur des prophètes. Wa Siddiqin, les véridiques. Wa Abdalur Siddiqin, Abu Bakr et Siddiq. Et le meilleur des véridiques était Abu Bakr, radiallahu anhu. Wa Shuhada, les martyrs. Et les meilleurs des martyrs étaient Omar et Uthman, qui étaient sur la montagne, le mont Uhud avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également Ali, radiallahu anhu. Min al-shuhada. Donc il rentre également dans ce verset. والصالحين et les vertueux بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Ce sont les meilleurs des vertueux. Le reste des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les compagnons, ceci est une règle dans l'islam. As-sahaba radiyallahu anhum kulluhum udul. Kulluhum udul. Wa thiqat. Ça c'est une règle dans l'islam que les savants, sur laquelle les savants sont unanimes, que tous les compagnons radiyallahu anhum sont des gens droits, sont des gens de confiance. Et c'est pour cela que dans l'étude d'une chaîne de transmission, on n'étudie pas l'état des compagnons radiyallahu anhum. Le compagnon, il est directement considéré comme quelqu'un de confiance. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas des compagnons qui ont commis des péchés? Non. Barakallahu fik, zakallahu khair. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait leurs éloges dans le verset qu'on a cité en premier. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. Les tout premiers parmi les muhajirin et les ansar et tous ceux qui les suivent convenablement, Allah les agrée et il l'agrée. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement qu'il a agréé les muhajirin et qu'il a agréé les ansar et qu'il agréera tous ceux qui suivent les muhajirin et les ansar convenablement. Donc il les a agréés, il leur a préparé le paradis. Et également dans l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيِّعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ. Allah a certes agréé les croyants lorsqu'ils t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre, dans le pacte de Hudaybiyah, quand les compagnons radiyallahu anhum ont été prêtés serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a descendu ces versets. Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont prêté serment d'allégeance. Il y avait énormément de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fal muhim, donc le shir dans cette page ensuite, donc il nous parle, que il nous dit que donc le droit chemin auquel on demande dans surat al-Fatiha de nous, à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, qui est le chemin de ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits, c'est le chemin des compagnons radiyallahu anhum, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons radiyallahu anhum. Puis ensuite le cheikh il dit وكما ذكرنا ان من يسير على منهج المنعم عليهم يبتلى ويضايق ويحقر ويضلل ويهدد يحتاج الى صبر ولهذا او لهذا جاء في الاحاديث ان المتمسك بدينه في اخر الزمان كالقابض على الجمر لانه يلقى اذى يلقى شرا من الناس فيحتاج الى الصبر كالقابض على الجمر ليس هذا مفروشا بالورود كما يقولون ليس هذا فيه مشقة وفيه أذى من الناس تحتاج إلى الصبر وثبات على هذا حتى تلقى ربك عز وجل وأنت عليه لتنجو من النار وتنجو من الضلال في الدنيا تنجو من النار في الآخرة لا طريق إلا هذا. Donc le cheikh ensuite il dit comme nous avons dit, celui qui va suivre cette voie, la voie de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, la voie des pieux prédécesseurs, cette personne va être éprouvée. Il va être éprouvé et il va subir des pressions. Et on va essayer de l'humilier. Et on va le traiter d'égaré. Et on va le menacer. Donc il a besoin de s'armer de patience et d'endurance. C'est pour cela qu'il est venu dans les hadiths que celui qui s'accrochera à sa religion à la fin des temps, il sera semblable à celui qui tient une braise de feu dans la main. Celui qui s'accrochera à la religion à la fin des temps, Il sera semblable à celui qui tient une braise de feu dans la main. Pourquoi ? Parce qu'il va subir beaucoup de persécutions et beaucoup d'épreuves. Donc, il a besoin d'endurance. Est-ce que tu peux tenir une braise de feu dans ta main ? Naam. Celui qui s'accroche à la religion à la fin des temps, il est semblable à celui qui tient une braise de feu dans sa main. Tellement ce sera dur. Tellement ce sera dur de s'accrocher à la religion avec toutes les tentations et les troubles. Que ce soit par les plaisirs et les désirs, ou que ce soit par les ambiguïtés et les innovations. D'où le fait de s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous affermir sur la vérité. Puis ensuite le cheikh il dit الآن يخذلون عن منهج السلف في الصحف والمجلات والمؤلفات ويتنقصون أهل السنة والجماعة السلفيين الحقيقيين يتنقصونهم أنهم متشددون أنهم تكفيريون أنهم وأنهم لكن هذا لا يضر لكن يؤثر على الإنسان الذي ليس عنده صبر وقوة عزيمة قد يؤثر عليه. Il dit le cheikh, actuellement, ils essayent de détourner les gens de la voie des salafs et de tromper les gens par rapport à la voie des salafs dans les journaux, dans les magazines, dans les ouvrages. Ils rabaissent les gens de la sunna, les vrais salafis. Et notez bien ici que le cheikh a dit les vrais salafis, contrairement à celui qui se dit salafi avec la langue, mais qui dans ses actes ou dans sa croyance, il contredit la voix des salafs. Donc le cheikh il parle ici des vrais salafis, celui qui a appris la voix des salafs, comme il l'a cité au début de la conférence. Celui qui a bien appris la voie des salafs et qui l'a bien comprise et qui la met en application dans sa croyance, dans ses adorations et dans toutes les choses de la religion. Donc, ils critiquent les gens de la sunna, ils critiquent les vrais salafis. Ils disent, ces gens-là, ils sont durs. Ils disent, ce sont des tekfiris, ce sont des gens qui déclarent mécréant les musulmans, etc., etc., parmi toutes les critiques par lesquelles donc ils attaquent les salafis. Puis le cheikh il dit, mais ceci, toutes leurs critiques, toutes leurs paroles, tout ce qu'ils font pour détourner les gens de la vérité et de la voie des salafs, tout ceci n'est pas nuisible. Dans le sens, ce n'est pas nuisible au vrai salafi. Parce qu'après il dit le shir, mais ça peut influer et ça peut avoir un impact sur la personne qui n'est pas endurant, sur la personne qui n'a pas une volonté ferme de rester sur la voie des salafs. C'est celui-là que lorsqu'il va y avoir toutes les critiques, ça va le faire se détourner de la vérité, ne serait-ce sur certains points, ne serait-ce sur certains points. Comme le cheikh il dit, ils disent ils sont durs. On entend beaucoup cela. Oui, les salafis ils sont durs. Oui, ces frères-là ils sont durs. Oui, ces chouyoukhs-là ils sont durs. Quand un shir met en garde contre un autre shir, ils disent « Ouais, mais ils ne font que mettre en garde. » Déjà, est-ce que ces personnes qui disent cela connaissent ces chouyours ? pour dire qu'ils ne font que de mettre en garde? Est-ce qu'ils se sont déjà assis avec eux? Est-ce qu'ils ont déjà assisté à leurs cours? Est-ce qu'ils ont déjà lu leurs ouvrages? Est-ce qu'ils ont déjà écouté leurs audios? Et comme un frère disait une fois, j'ai bien aimé sa parole, il a dit: c'est normal, il est normal qu'il y a plus de mise en garde aujourd'hui, car il y a plus d'égarés. Comme ceci est venu dans les hadiths, que plus le temps va avancer, et plus la science va diminuer, plus l'ignorance va augmenter, et plus les troubles vont se multiplier. Donc plus il y a plus il y a des prédicateurs de l'égarement, et plus donc il y aura de mise en garde. Vous voulez qu'il y ait moins de mise en garde? Eh bien, ne donnez pas d'importance aux prédicateurs de l'égarement. Et ils vont s'éteindre tout seuls. Mais dès qu'une personne arrive, un shir, on ne connaît pas son historique, on l'élève au degré de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmahullah, ou au degré des grands savants, alors que ce n'est qu'un étudiant. Ça, c'est dans certains cas. Enfin, il faut savoir qui sont les savants de la sunna, de confiance, et s'approcher à eux afin de connaître le vrai du faux. Et là, quand le shir il a dit donc que toutes ces critiques qui sont amenées sur les vrais salafis, ça ne leur nuit pas, ça c'est une allusion au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq zahirin la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dhalik. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Il y aura toujours un groupe de ma communauté. Il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant et étant sur la vérité. Ceux qui les trahissent ou qui les contredisent ne pourront leur nuire en quoi que ce soit jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah, et ils seront toujours sur ce chemin. C'est une allusion donc à ce hadith, que toutes les attaques qui sont lancées contre les salafis, ça ne nuit pas aux vrais salafis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, ceux qui trahissent les gens de la sunna, comme ceux qui les contredisent, aucun de ces deux groupes ne peuvent nuire aux gens de la sunna. Les premiers, al-muhadhdhila, ceux qui trahissent les gens de la sunna, celui qui contredit, il est clair, il ne fait pas partie des gens de la sunna à la base. À l'origine déjà, c'est quelqu'un de l'innovation. Il peut faire tout ce qu'il veut, il ne nuit pas aux gens de la sunna, il ne nuit qu'à lui-même. Et les premiers qui ont été cités, al-muhadhdhila, ceux qui trahissent, eux, ils s'infiltrent parmi les salafis et ils essayent de détourner les salafis du droit chemin. Et quoi qu'il arrive, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même ceux-là, ils ne peuvent nuire aux gens de la sunna, mais ils ne nuisent qu'à eux-mêmes, même si leur danger est plus grand. Juste, je vais prendre quelques passages pour terminer. Le cheikh il dit ensuite: وَلِذَلِكَ تَجِدُونَ الْعُلَمَاء يَهْتَمُّونَ بِالْعَقِيدَةِ وَأَبْوَابِهَا وَفُصُولِهَا وَمَسَائِلِهَا وَأَلَّفُوا فِيهَا مُطَوَّلَاتٍ وَمُخْتَصَرَاتٍ لِدِرَاسَةِ مَذْهَبِ السَّلَفِ وَالْعِنَايَةِ بِهِ وَالتَّمَسُّكِ بِهِ وَالسَّيْرِ عَلَيْهِ. C'est pour ça que vous voyez que les savants ont donné une grande importance à la aqida, au dogme, à la croyance. Ils ont donné beaucoup d'importance au dogme. Tous les chapitres dogmatiques et toutes les questions dogmatiques. Ils ont écrit dans cela des livres courts et longs afin que l'on puisse étudier la voie des salafs et qu'on puisse lui donner son importance et s'y accrocher et cheminer dessus. La question donc elle demande pourquoi qu'on lui donne une importance. La siyama ma istihkam al-dhalal wa al-dhalal يحتاج المسلم الى نور يسير به في ظلمات الضلالات والجهالات. Donc surtout avec donc la multiplication des égarements et de l'obscurité, le musulman a donc besoin de lumière afin de cheminer pour éviter donc les égarements. Puis le cheikh dit al-yawma yakthuru man yata'alam ويدعي العلم والمعرفة وهو لم يتلقى العلم عن مصادره وعن أصوله يتلقاها عن أمثاله أو من الكتب أو من الثقافة كما يقولون وهذا ليس موصلا إلى الخير ولا إلى الطريق الصحيح لا بد من التعلم الصحيح لمنهج السلف لأجل التمسك به والسير عليه لا بد من الصبر على ما ينالك في سبيله من اللوم والتحقير وغير ذلك. Il dit le cheikh aujourd'hui, les gens qui prétendent avoir de la science, qui se font passer pour des gens de science, se multiplient. Et ce sont des gens qui n'ont jamais étudié, qui n'ont pas pris la science de ses sources et de ses fondements. Ils ont pris la science de gens comme eux, d'ignorants comme eux. Ou alors ils ont pris la science directement des livres. Ou alors, ils se sont contentés d'une culture générale. Et ceci n'amène pas au bien. Tout ce que le cheikh a cité ici, le fait de prendre la science d'ignorants comme toi, ou de prendre la science directement des livres. Quelqu'un il dit, moi je n'ai pas besoin d'aller étudier chez les savants, j'ai tous les livres chez moi, et je lis les livres. Ou alors, la culture générale, il entend juste, voilà, faut être salafi, il se dit salafi, mais il ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est réellement la voie des salafs? Il sait juste que la voie des salafs, c'est de suivre le Coran ou la Sunna, le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Il dit, être salafi, c'est de suivre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Oui, mais maintenant que tu as su ça, eh bien apprends quelle est la voie des pieux prédécesseurs. Apprends la compréhension des pieux prédécesseurs pour pouvoir la mettre en application. Donc il dit que tout cela, ça n'amène pas au bien. Et ça n'amène pas au droit chemin. Mais il faut absolument apprendre avec un enseignement authentique la voie des pieux prédécesseurs pour pouvoir s'y accrocher et cheminer dessus. Et tu dois absolument donc endurer ce qui va te toucher comme épreuve et comme blâme et comme épreuve. Fahdharu ya ibadallah wa la taktafu bi mujarrad al-intisab wa la taktafu bi ta'alum biduni ta'allum تلقوا العلم عن العلماء المعروفين به والعلماء المستقيمين على الطريق الصحيح تجنبوا هذه الطرق المنحرفة التي حذرنا الله منها ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc prenez garde, ô serviteurs d'Allah, et ne vous contentez pas de simplement vous apparenter, vous affilier au salaf, et ne vous suffisez pas de ceux qui se font passer pour des savants sans apprendre. Mais apprenez la science auprès des savants qui sont connus pour cela, connus pour leur science. Les savants qui sont sur le droit chemin, la voie des pieux prédécesseurs. Et écartez-vous des voies déviantes desquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde, comme dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction, rapprochez du sens du verset et ne suivez pas les chemins qui l'avoisinent, les chemins qui avoisinent le sentier d'Allah. Ou sinon, ils vous écarteront certes de son droit chemin. Et Là-dessus, nous allons nous arrêter, inshallah ta'ala, même s'il y avait d'autres passages très intéressants dans cette conférence. Mais je vous recommande d'y retourner, bi'idhnillah ta'ala. Hein, comme je vous ai dit, cette conférence qui s'intitule « Manhaj al-Salaf wa hajatul ummati ilay » « La voie des plus prédécesseurs et le besoin de la communauté hein, de le suivre. » بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يعني comme vous avez pris l'habitude, donc vous laissez les sœurs sortir tout d'abord, inshallah, puis ensuite nous sortirons les hommes.